Pompe à une chanson bonus pour défriser tes petites puces, écrite un peu vite. Que veux-tu? C'est un rituel à la truelle pour un peu tapisser, mais surtout pour meubler. On s'est dit c'est un peu court, mais on fait tout pour gagner quelques minutes, quitte à faire des rimes en pute. Attends, attends, je gagne du temps, mais bon t'écoute, je fais des rimes même en prout. Je vais donc te mettre des mots, Marlon Brando et Caniveau, Signe Blanc et Carpaccio, Handicapé DiCaprio. Et je gagne des lignes quand je te parle de signes. Tu parles d'un bonus, mais il en fallait une de plus.